Troisième partie, chapitre 23 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 23. Des exercices de la mortification extérieure. Les naturalistes nous assurent que si on écrit quelques paroles sur une amande bien entière et que, l'ayant remise dans son noyau, on le jette en terre, après l'avoir fermée soigneusement, tout le fruit de l'arbre qui en proviendra portera la même parole. Pour moi, Philothée, je n'ai jamais pu approuver la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur, par les contenances, par les habits, par les cheveux. Il me semble, au contraire, qu'on doit commencer par l'intérieur. Convertissez-vous à moi, dit Dieu, de tout votre cœur. Mon fils, donnez-moi votre cœur. En effet, le cœur étant la source des actions, elles sont telles qu'il est lui-même. Le divin époux, invitant l'âme à une parfaite union, lui dit « Mettez-moi comme un cachet sur votre cœur et sur votre bras. » Il a bien raison de le dire, car quiconque a Jésus-Christ en son cœur, il l'a bientôt dans toutes ses actions extérieures qui nous sont figurées par les bras. C'est pourquoi, Philothée, j'ai voulu avant toute chose graver sur votre cœur ce mot saint et sacré « Vive Jésus !» Assurez que je suis que le doux Jésus vivant en votre cœur sera après cela dans toutes vos actions extérieures, dans votre bouche, dans vos yeux, dans vos mains, et que vous pourrez dire à l'imitation de saint Paul « Je vis, mais non plus moi-même, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Enfin, qui a gagné le cœur de l'homme a gagné tout l'homme. Mais ce cœur même par lequel nous devons commencer à réformer l'homme demande qu'on l'instruise des manières de régler tout l'extérieur. De sorte qu'on y reconnaisse le caractère de la sainte dévotion et celui d'une sage discrétion. Je vais donc vous en donner ici les règles en peu de mots. Si vous pouvez supporter le jeûne, vous ferez bien de jeûner un peu plus que l'Église ne commande. Car outre que le jeûne élève l'esprit à Dieu, réprime la chair, facilite la vertu, augmente nos mérites, c'est un grand bien de se maintenir en la possession de gourmander la gourmandise même, et d'assujettir l'appétit sensuel et le corps à la loi de l'esprit. Et bien qu'on ne jeûne pas beaucoup, notre ennemi nous craint davantage quand il connaît que nous savons jeûner. Le mercredi, le vendredi et le samedi ont toujours été distingués par l'abstinence des anciens chrétiens. Prenez donc quelque chose de leur pratique, selon votre dévotion et le sage conseil de votre directeur. Je dirais volontiers ce que saint Jérôme dit à la pieuse dame Léta. Les jeûnes longs et immodérés me déplaisent bien fort, surtout en ceux qui sont encore dans un âge tendre. J'ai appris par expérience que les petits ânons étant là du chemin cherchent à s'en écarter. Je veux dire par là que ces jeunes gens à qui l'excès du jeûne a causé quelque infirmité se laissent aller aisément à une vie délicate et molle. Les cerfs courent mal en deux temps, quand ils sont trop chargés de venaison et quand ils sont trop maigres. Et nous autres, nous sommes exposés à de grandes tentations en deux états, à savoir quand le corps est trop nourri et quand il est trop abattu. Dans le premier état, il devient rebelle, et dans l'autre, il ne se croit plus capable de rien, de sorte que comme nous ne pouvons le porter quand il a trop d'embonpoint, aussi ne peut-il nous porter quand il est trop affaibli. L'usage excessif des jeûnes, des disciplines, des airs et de toutes les austérités rend inutile aux emplois de la charité les meilleures années de plusieurs personnes. Ainsi qu'il arriva à saint Bernard qui se repentit bien de sa vie trop austère. Et l'on voit souvent que pour avoir trop maltraité sa chair dans les commencements, on est contraint de la flatter à la fin. N'aurait-il pas mieux valu en avoir un soin modéré, égal, proportionné aux peines et aux travaux de l'État? Le jeûne et le travail matent et abattent la chair. Si donc votre travail est nécessaire ou fort utile à la gloire de Dieu, j'aime mieux que vous souffriez la peine du travail que celle du jeûne. Et c'est le sentiment de l'Église qui exempte même des jeunes commandés, les personnes occupées de travaux utiles au service de Dieu et du prochain. S'il y a de la peine à jeûner, il y en a aussi à servir les malades, à visiter les prisonniers, à confesser, à prêcher, à assister les affligés, à prier, à faire de semblables exercices. Cette dernière peine vaut mieux que la première, car outre qu'elle mate également la chair, les fruits en sont plus grands et plus souhaitables. Ainsi, généralement parlant, il vaut mieux conserver plus de force corporelle qu'il n'en faut que d'en ruiner plus qu'il ne faut, car on peut toujours les affaiblir quand on veut, mais on ne peut pas toujours les réparer quand on veut. Il me semble que nous devons respecter beaucoup cette parole de notre Sauveur à ses disciples. Mangez ce que l'on vous servira. C'est, comme je crois, une plus grande vertu de manger sans choix ce que l'on vous présente, et selon l'ordre qu'on vous le présente, soit qu'il soit à votre goût ou non, que de choisir toujours ce qu'il y a de plus méchant sur la table, car bien que cette pratique semble plus austère, il y a moins de la propre volonté dans l'autre, puisqu'on ne renonce pas seulement à son goût, mais encore à son choix. D'ailleurs, ce n'est pas une petite mortification que de tourner son goût à toute main et de le tenir assujetti à toutes sortes de rencontres. Outre que cette manière de se mortifier ne paraît point, n'incommode personne et convient tout à fait aux usages de la vie civile. Repousser un plat pour en prendre un autre, regarder de près et tâter toutes les viandes, ne trouver jamais rien de bien apprêté ni d'assez propre, et beaucoup d'autres façons semblables, tout cela est d'une âme molle et trop attentive à sa bouche. J'estime plus Saint Bernard d'avoir bu de l'huile pour de l'eau ou pour du vin que si de dessein il avait bu de l'eau d'absinthe, puisque c'était une marque qu'il ne faisait pas attention à ce qu'il buvait. Et c'est dans cette différence sur le boire et sur le manger que consiste la perfection de la parole du Sauveur. Mangez ce que l'on vous servira. J'excepte néanmoins les viandes qui nuisent à la santé ou même aux fonctions de l'esprit, comme à l'égard de plusieurs personnes, les viandes chaudes et épicées, fumeuses et venteuses, et je n'entends pas non plus parler des occasions où la nature a besoin de quelques soulagements extraordinaires pour se soutenir dans les travaux utiles à la gloire de Dieu. En un mot, une sobriété modérée et toujours égale est préférable à une abstinence violente et mêlée de certains intervalles d'un grand relâchement. L'usage modéré de la discipline ranime vivement la ferveur de la dévotion. La haie mate extrêmement le corps, mais ordinairement l'usage n'en convient pas, ni à l'état du mariage, ni aux complexions délicates, ni à aucun état chargé de quelque grande peine. Il est vrai que l'on pourrait s'en servir avec l'avis d'un confesseur discret les jours qui sont plus particulièrement destinés à la pénitence. Le sommeil doit être réglé sur la nécessité que chacun en peut avoir selon sa complexion pour s'occuper utilement durant le jour. Et parce que la Sainte Écriture, l'exemple des saints et la raison avec l'expérience nous font connaître que les premières heures du jour en sont la meilleure partie et la plus utile, je pourrais dire même, parce que notre Seigneur est appelé le soleil levant et sa Sainte Mère l'aurore, je pense que c'est une pratique louable de régler si bien l'heure du coucher que l'on puisse se lever de bon matin. Certainement, c'est le temps le plus doux à l'esprit, le plus libre et le plus favorable aux exercices de piété et au désir que l'on peut avoir de mieux conserver sa santé. Les oiseaux ne nous excitent-ils pas dès le grand matin à quitter le sommeil et à chanter les louanges de Dieu ? Balaam, monté sur son ânesse, allait trouver le roi Balak, et comme il n'avait pas une intention bien droite, un ange l'attendit en chemin avec une épée pour le tuer. Cette pauvre bête qui vit l'ange s'arrêta par trois fois, quelques efforts que fit le prophète à grands coups de bâton pour la faire avancer, jusqu'à ce qu'enfin, s'étant abattue sous lui à la troisième fois, elle lui parla, par un miracle extraordinaire, pour lui faire ce reproche. « Que vous ai-je fait? Et pourquoi me frappez-vous ainsi jusqu'à trois fois ?» Ensuite, le Seigneur ayant ouvert les yeux de Balaam, ce prophète aperçut l'ange qui lui dit « Pourquoi as-tu battu ton ânesse? Si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'eusse tué et je l'eusse épargné. » Alors, Balaam dit à l'ange « J'ai péché, car je ne savais pas que vous vous opposassiez à mon voyage. » Voyez-vous, Philotée, Balaam était la cause de tout le mal, et il s'en prenait à son ânesse qui n'y avait nulle part. Et c'est de la sorte que nous en usons souvent dans nos affaires. Une femme voit son mari ou son enfant malade, et elle court au jeûne, à la haie et à la discipline, comme fit David dans une pareille occasion. Hélas, cher ami, vous faites comme Balaam qui battait son ânesse. Vous affligez votre corps, quoiqu'il ne soit pas la cause de la colère de Dieu qui a la main levée sur vous. Allez à la source du mal, corrigez le cœur qui est idolâtre de ce mari et de cet enfant que vous avez laissé le maître de ses mauvaises inclinations et que votre orgueil n'a élevé que pour la vanité. Un homme commet souvent un péché d'impureté et aussitôt sa conscience lui perce le cœur par de reproches intérieurs qu'elle lui fait craindre comme des traits de la colère de Dieu. Sur cela, revenant à soi, « Ah, cher rebelle, dit-il, corps déloyal, tu m'as trahi !» et il décharge son indignation sur sa chair par l'usage immodéré des austérités. Ô pauvre âme, si ta chair pouvait parler comme l'ânesse de Balaam, elle te dirait « Pourquoi me frappes-tu, misérable? C'est contre toi que Dieu s'arme de colère. C'est toi qui es la criminelle. Pourquoi me conduis-tu à de mauvaises conversations? Pourquoi appliques-tu mes yeux et mes sens à des objets déshonnêtes? Pourquoi me troubles-tu par de sales imaginations? Forme de bonnes pensées et je n'aurai pas de mauvais sentiments. fréquente des personnes qui aient de la pudeur, et la passion ne s'allumera pas en moi. Hélas, tu me jettes dans le feu, et tu ne veux pas que je brûle, tu me remplis les yeux de fumée, et tu ne veux pas qu'il s'enflamme. Or, Philothée, Dieu vous dit en ce temps-là, brisez vos cœurs de douleur, mortifiez-les, faites-leur porter la pénitence qu'ils méritent, c'est principalement contre eux que je suis irrité. Certes, pour guérir la démangeaison, il n'est pas si nécessaire de se baigner que de purifier le sang. Et à l'égard de nos vices, quoiqu'il soit bon de mortifier la chair, il est surtout nécessaire de purifier le cœur. Mais la règle universelle que je vous donne est de n'entreprendre jamais d'austérité corporelle sans l'avis de votre directeur. Fin du chapitre 23, troisième partie.